Bonjour à tous, cette petite vidéo pour faire un retour sur le séminaire IMO Live organisé par Damien d'Esprit Gagnant. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Moi c'est Ludovic. Moi c'est Hélène. Donc nous investissons tous les deux dans l'immobilier depuis 2 ans maintenant et on a commencé en parallèle de nos jobs salariés et surtout de nos jobs de parents puisqu'on est parents de 2 petites filles qui sont encore assez jeunes, ce qui demande énormément de temps. Et ce qui demande donc d'être très efficace sur les investissements immobiliers. Et depuis qu'on investit, on a eu également beaucoup de demandes qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne également d'autres couples, d'autres familles à investir dans l'immobilier, en particulier dans les immeubles de rapport en développant des stratégies d'investissement à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé dans le séminaire IMO Live? Damien, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a un franc-parler et qui a une excellente connaissance du domaine immobilier. Et en fait, on n'est pas du tout dans le marketing cocotier. Alors, en tant qu'expert immobilier et en tout cas investisseur expérimenté, on a apprécié, mais alors à un point inimaginable, le côté précision et réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on avait à la fois Damien et les intervenants du séminaire qui sont des personnes de terrain et qui expliquent la réalité des choses, la réalité du terrain et qui finalement ont un discours qui rentre bien dans les détails et c'est extrêmement intéressant, y compris pour des investisseurs, à la fois débutants bien sûr pour voir les parcours et la réalité de l'investissement locatif, mais aussi pour des gens un peu plus expérimentés parce qu'on a du détail. On rentre vraiment dans la finesse des stratégies et ça c'était vraiment appréciable. Tout à fait. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que du coup avec ce niveau de qualité au niveau des intervenants, ça permet au moment des pauses, au moment des moments de networking, d'avoir vraiment des échanges très enrichissants. Nous on est reparti de cette journée avec des nouveaux partenariats. Donc c'était vraiment une journée pour nous qui a fait une différence finalement dans notre parcours. Donc du coup, c'est vraiment un séminaire qu'on recommanderait, mais alors sans hésitation. Et Damien, merci encore une fois pour cette super journée. Alors d'ailleurs, comment est-ce qu'on a connu Damien? C'était justement dans un networking. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que bien souvent, quand on va dans les networking, c'est un petit peu qui mieux, et moi j'ai fait ci, j'ai investi là, etc. Et voilà, un discours qui est presque à vouloir survendre. Et à l'inverse, moi, ce que j'apprécie chez Damien, c'est que il est toujours dans quelque chose de réaliste. Il n'est pas en train de survendre quoi que ce soit. Au contraire, il est toujours prudent et il s'intéresse réellement à finalement la situation des personnes. Il pose beaucoup de questions quand il rencontre les gens pour bien comprendre d'où les personnes partent et pour finalement derrière avoir une discussion qui est adaptée au niveau de la personne. Donc moi je l'ai vu à la fois quand j'ai échangé avec lui et en le voyant échanger avec d'autres. Donc voilà un peu pour situer le contexte plus globalement. Alors, est-ce qu'on recommanderait IMO Live et est-ce qu'on recommanderait de travailler avec Damien d'Esprit Gagnant? Tout à fait. Sinon, on ne ferait pas cette vidéo. C'est clair. Non, mais Damien, en fait, c'est quelqu'un qui a à la fois beaucoup d'expérience, qui a une excellente connaissance du système bancaire, donc pour tout, finalement d'excellents conseils, mais surtout qui a l'intelligence d'esprit d'adapter ses conseils à la personne à qui il parle. Exactement. Donc, il est à la fois ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre des stratégies et des choix qui ont été faits par les personnes et pour pouvoir finalement le comprendre et l'accepter. Donc, ce n'est pas toujours le cas. C'est facile à dire, mais c'est assez difficile à ne pas... Il ne juge pas finalement le parcours des gens. Et il essaye de donner les meilleurs conseils. Oui. Je l'ai vu faire. On a aussi bien sûr discuté ensemble. Et c'est quelqu'un qui va toujours adapter son conseil. C'est souvent très pertinent. Donc oui, effectivement, je dirais presque, vous pouvez y aller les yeux fermés Et c'est un conseil vraiment réfléchi que je donne, puisque voilà, je suis assez strict aussi sur la qualité des personnes que je rencontre. Donc, Tout à fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que du coup, Damien, il n'essaye pas de vous faire rentrer dans une case avec une technique à appliquer, mais il va vraiment regarder qu'est-ce qui est pertinent dans la situation de la personne. Alors que bien souvent, quand on est expert en immobilier, on peut être expert d'une seule stratégie qu'on essaye de proposer absolument, alors que ça ne convient pas forcément pour voilà, pour la personne qu'on a en face de nous. Et puis, pour les personnes qui veulent investir mais qui ne savent pas encore quelle serait la stratégie à appliquer, quelle serait la stratégie la plus pertinente par rapport à leur situation, c'est là aussi où Damien va vraiment apporter une expertise puisqu'il va étudier avec la personne qu'est-ce qui, dans sa situation, serait utile, pertinent, etc. Voilà, donc vraiment, pareil, allez-y les yeux fermés. Et Damien, encore bravo et merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.